Bien, alors le sujet de cette communication, reste de banquet ou de consommation quotidienne, comparaison archéozoologique dans le monde des géants protohistoriques, sera donc consacré à l'archéozoologie. Je vais focaliser mes propos sur le matériel osseux, donc les assemblages des ossements d'animaux qui sont retrouvés en contexte archéologique. Et notamment, je me concentrerai sur les restes de macrofaune. Alors vous allez voir, il y a pas mal de points communs avec la communication précédente. Vous allez voir quelques petites choses qui ont déjà été dites. Alors l'objectif de cette présentation est d'essayer de caractériser ostéologiquement des assemblages osseux afin de mettre en évidence d'éventuelles différences qui pourraient apparaître entre deux pratiques alimentaires distinctes, le banquet et une consommation quotidienne plus classique à l'échelle d'une habitation, d'une maisonnée. Je parlerai donc très peu de l'aspect conceptuel du banquet. Et je me concentrerai vraiment sur l'aspect matériel. Alors, je vais essayer de ne pas être trop technique, mais c'est tout de même une présentation méthodologique. Donc, vous verrez, il y a pas mal de choses ostéologiques qui ressortiront. Non. Alors, je vais comparer certaines caractéristiques ostéologiques de plusieurs assemblages mis au jour sur différents sites égéens, sélectionnés entre autres pour l'accessibilité des données, mais également parce qu'ils sont relativement caractéristiques et ils illustrent bien ce que je vais tenter de vous montrer dans cette communication. Nous verrons qu'il n'est vraiment pas évident de tirer de conclusions définitives d'un point de vue purement ostéologique à partir du matériel osseux et quant à la différenciation entre ces deux pratiques, donc le banquet et la consommation quotidienne. Je me concentrerai sur l'organisation d'une part des assemblages et d'autre part sur les caractéristiques intrinsèques aux ossements, donc les caractéristiques ostéologiques. Alors en parcourant un petit peu la bibliographie sur ce sujet, je me suis rendu compte que la différenciation entre ces deux types d'assemblages osseux est grandement dépendante du contexte de découverte, bien évidemment, mais également des textes. Malheureusement, pour des sociétés anciennes sans écriture, les interprétations deviennent beaucoup plus problématiques. Et ce n'est pas une surprise, les cas avérés de banquets sont beaucoup plus rares. Dans la bibliographie archéozoologique de ces régions égéennes, aux périodes préhistoriques, protohistoriques, le nombre d'études mettant en évidence un banquet est assez restreint. Et lorsque l'on s'attarde sur les éléments matériels qui ont permis la reconnaissance du banquet, on remarque qu'ils sont souvent fondés sur les formes céramiques ou sur l'iconographie. Les assemblages osseux n'étant parfois analysés que parce que l'archéologue voulait une confirmation de leur interprétation, ou parce que l'archéozoologue a choisi ces assemblages justement parce qu'une interprétation avait été faite au préalable. Donc, souvent, les assemblages osseux phoniques constituent une confirmation, si vous voulez, de l'interprétation archéologique qui avait été faite auparavant. Ce n'est pas toujours le cas, bien évidemment. Certains assemblages osseux sont très particuliers, comme nous allons le voir. Alors, juste une précision avant de commencer, je ne parlerai pas de l'aspect de banquet funéraire. Je resterai uniquement dans des contextes de consommation au sein d'habitats. Le banquet funéraire est un autre pan de ces pratiques alimentaires de consommation de groupe qui possède ses propres caractéristiques. Et j'ai préféré pas compliquer les propos en mettant volontairement ces données de côté. Alors Michael Dittler, dans son ouvrage sur le banquet, explique qu'il est possible de reconnaître les conséquences archéologiques de banquets, à savoir les restes de céramique, les restes botaniques et bien évidemment ce qui nous intéresse ici, les restes de faune. Certaines caractéristiques peuvent être mises en évidence comme la faible composition taxonomique, la présence de portions portant de grandes quantités de nourriture, une fracturation, un désossage incomplet, ou encore de grandes quantités pour un seul dépôt sur un temps d'accumulation très bref. Donc plusieurs aspects qu'il expose donc dans cette publication pour caractériser des assemblages osseux, mais très peu de détails sont fournis. Et Michael Dittler précise bien que l'identification d'un fisting, d'un banquet, est beaucoup plus difficile dans le cas où il n'y a pas d'attestation iconographique, textuelle ou architectonique particulière. À partir du seul matériel archéologique, et qu'il est presque impossible d'y parvenir. Et nous allons voir avec la comparaison de cette communication si c'est réellement le cas. Alors les exemples que je vous présente ici proviennent du monde égéen durant l'âge du bronze. Je ferai une petite digression dans le cas de Macrialos à la fin du néolithique. C'est un cas particulier que j'ai voulu faire figurer dans cette présentation. Vous allez voir pourquoi. Pour les sites du Péloponnèse, je vous parlerai du site du palais de Nestor à Pylos, que vous avez en Messénie, Voilà, que vous avez ici à l'ouest du Péloponnèse en Messénie. Le site de Tsoungiza en Argolide, près de Némée. Et pour les sites septentrionaux, les sites d'Arkontiko et d'Angelochori, qui présentent des assemblages de consommation quotidienne et qui, eux, serviront de comparaison. Ils présentent des assemblages osseux qui reflètent une consommation par maisonnée, par un groupe restreint de personnes, à l'échelle d'une famille, par exemple. Alors j'ai choisi ces deux sites non seulement parce qu'ils étaient très caractéristiques, mais également parce que j'ai eu le matériel entre les mains, donc je peux vous en parler en détail. Enfin, le site de Makrialos, je vous le disais, qui date du néolithique, qui me servira un petit peu de contre-exemple. Les restes ont été interprétés sur ce site comme les restes d'un banquet, mais vous allez le voir, il a des caractéristiques assez particulières. Je vais donc partir des différences qui apparaissent entre les assemblages osseux de ces contextes et je les discuterai dans une courte synthèse, voir si elles sont vraiment caractéristiques d'un banquet ou d'une consommation quotidienne. Alors pour commencer, je vais vous présenter rapidement ces sites pour bien vous resituer le contexte archéologique avant d'entrer dans les comparaisons proprement dites. Ce ne sont bien évidemment pas les seuls sites qui existent. J'ai dû faire des choix puisque le nombre de sites ayant livré une étude archéozoologique est assez important, notamment dans les régions méridionales. Pour le nord de la Grèce, le constat est un peu différent puisqu'on ne retrouve pas une organisation semblable au monde mycénien, mais les études sont toutefois assez nombreuses. Cependant, très peu font l'état d'un banquet. Cas, beaucoup moins que pour les régions méridionales à l'âge du bronze. Alors, je commencerai par le site d'Arkontiko, où les assemblages osseux ont donc été interprétés comme des rejets d'une consommation quotidienne. Cet établissement prend la forme d'un tel, comme vous voyez sur cette photographie, et l'occupation s'échelonne sur l'ensemble de l'âge du bronze. Mais c'est la période B, phase 4, qui m'intéressera plus particulièrement ici. Il s'agit des niveaux correspondant à la fin du bronze ancien, début du bronze moyen. L'assemblage osseux dont il est question provient des niveaux d'occupation de plusieurs bâtiments, interprétés par les archéologues comme des unités d'habitation. Vous avez les trois premières ici qui délimitent la première unité. Ici, la seconde unité et le début de la troisième unité qui apparaît ici au sud. Alors, les fouilles sont toujours en cours, mais en raison des événements actuels, les campagnes de fouilles ont été très réduites ces dernières années. Alors, ces restes osseux proviennent donc d'un contexte d'habitat. C'est également le cas pour les autres sites que je vous présenterai juste après. Ils proviennent donc de ces habitations et à proximité immédiate. Il n'y a pas un gros dépôt. Il y a plusieurs dépôts que l'on retrouve notamment dans le bâtiment A, dans le bâtiment D et dans ces deux espaces extérieurs que vous avez ici, qui jouxtent les habitations. C'est une répartition donc assez homogène des restes, mais pas de véritable zone dépotoir très nette. Alors pour terminer très rapidement sur ce site, une des particularités, la conservation des structures en terre et de la céramique. Vous avez ici par exemple un four qui a été retrouvé dans cet état, donc il n'a pas été reconstitué. Il est vraiment sorti comme cela à la fouille, donc c'est une particularité de ce site. Le second site, celui d'Angelochori, je vais vous le présenter très rapidement parce qu'il présente beaucoup de points communs avec le précédent. Il se situe dans une trentaine de kilomètres d'Arkontiko. Il s'agit également d'un tell. Et je vous ai représenté ici très schématiquement les zones d'habitation définies par la mise au jour de murs ou de fragments de murs qui délimitent des espaces intérieurs et extérieurs. Donc les restes osseux proviennent là encore de niveaux d'occupation dans un contexte d'habitat. Alors encore une fois, on remarque très peu de concentration particulière des ossements et je ne l'avais pas précisé pour Arkontiko, mais c'est également le cas. Ces différentes zones semblent fonctionner en parallèle. Et ça, c'est important. Et comme en témoigne la composition de plusieurs types de matériel, céramique, structure de cuisson et même de la faune, qui présentent les mêmes caractéristiques dans chaque unité. Donc les archéologues ont interprété ces unités d'habitation comme fonctionnant en parallèle. Les ossements dont je vous parlerai de ce site proviennent de la phase 2, qui est la phase de l'habitat. Vous avez le plan ici sous les yeux, qui est la phase de l'habitat la mieux connue du point de vue architectural. les trois sites de Banquet maintenant. Le premier, le palais de Nestor à Pylos, donc un palais mycénien, avec toute l'organisation administrative qui va avec, je ne rentre pas dans les détails. L'assemblage osseux pris en compte provient de plusieurs dépôts qui ont été mis au jour dans différents endroits du palais, notamment dans la pièce 7, vous avez ici, dans la partie des archives, on l'appelle comme ça, puisque de nombreuses tablettes de l'INRB ont été mises au jour dans cette partie du palais. Et l'assemblage osseux dont je vous parle ne contenait pas l'ensemble des restes du palais. Ces restes n'ont pas fait l'objet d'une étude complète. Ce sont des fouilles qui datent d'une cinquantaine d'années maintenant. Donc la chronologie correspond à la fin du XIIIe siècle. Et ces assemblages sont des dépôts d'ossements d'animaux brûlés qui correspondent chacun à un épisode distinct interprété comme un banquet. L'archéozoologue parle, en ce qui concerne de cet assemblage, de la conséquence finale d'une pratique rituelle, probablement un sacrifice aux dieux, en parlant notamment du traitement infligé aux ossements après la consommation. J'y reviendrai. Le second site, celui de Tungiza Némé en Argolide, qui est également un habitat mycénien, un établissement de taille plus modeste, qui est situé à proximité de grands centres mycéniens, notamment Mycène, et qui devait très certainement faire partie de sa sphère d'influence. Alors la chronologie correspond au XIVe siècle, donc un petit peu avant Pylos, mais dans les mêmes datations que pour Angélochorie, par exemple. Et il s'agit encore une fois de dépôts qui ont livré une très grande quantité de restes osseux, toujours en contexte d'habitat, à l'intérieur et à proximité d'habitations. Il s'agit de la zone EU9 que je vous ai marquée ici. Enfin, dernier site qui présente donc les restes d'un banquet, d'un feasting, le site de Makrigalos, que vous avez ici dans le sud de la Macédoine grecque. Et les ossements proviennent de la fosse 212, qui date donc du néolithique récent. Et je vous demanderai de garder un œil attentif à cet assemblage, qui présente des caractéristiques particulières pour un assemblage osseux de banquet, qui a été interprété comme un banquet. Voilà pour la présentation très rapide. Je vais passer au cœur du problème, le questionnement de cette présentation, avec la description et la comparaison ostéologique de ces assemblages. Alors, je ne parlerai pas de tous les aspects taphonomiques ou ostéologiques que l'on peut analyser dans un assemblage osseux, mais simplement vous présenter les éléments les plus marquants, les plus caractéristiques. Alors, je commencerai par une petite définition. Le dictionnaire Larousse parle, en ce qui concerne le banquet, d'un repas d'apparat où de nombreuses personnes sont conviées pour célébrer un événement. Alors, je ne parlerai pas des termes d'apparat et de célébration d'événements, je vais me concentrer plus sur le « nombreuses personnes ». Vous le verrez dans le dernier point que j'aborderai dans cette comparaison. Alors, Michael Dittler, dans son ouvrage Feasts Archaeological and Ethnographic, qui est sorti il y a une dizaine d'années, parle également de cet aspect. Des quantités importantes, vous allez voir, c'est quelque chose qui ressort très bien de l'analyse. Alors, Patrice Méniel, qui a été cité juste dans la présentation précédente, a beaucoup travaillé sur ces questions de banquet en Gaule, et également à Érythrée, comme nous l'avons vu, et il note très brièvement dans un de ses ouvrages que les grandes caractéristiques ou les grandes particularités d'un assemblage osseux de banquet étaient tout d'abord le contexte des dépôts, un spectre phonique qui diffère des autres assemblages, une taphonomie particulière liée à des traitements particuliers infligés aux ossements, des distributions squelettiques singulières qui mettent en avant une sélection précise des portions anatomiques. Donc nous allons voir tous ces différents points en ajoutant celui de surplus que nous avons vu avec les définitions. Alors, première différence, probablement les plus évidentes, le contexte des dépôts et les questions de durée d'accumulation. Si l'on regarde pour les sites de banquet que vous avez à gauche, les accumulations se produisent sur une durée relativement courte en comparaison avec les assemblages de consommation quotidienne à droite, qui présentent des rejets beaucoup plus stratifiés sur des périodes de temps beaucoup plus longues. Alors, vous avez seulement deux exemples ici, Archontico Angélochorie, mais on retrouve vraiment les mêmes caractéristiques sur beaucoup, beaucoup d'autres assemblages de consommation quotidienne. Alors, deuxième chose, il existe des différences dans les assemblages de banquets eux-mêmes. comme la présence d'un ou plusieurs événements, qui peuvent présenter même des durées d'accumulation différentes. C'est le cas à Macrialos, par exemple, où une accumulation rapide se produit après une période plus progressive. Autre aspect, on note que le dépôt est réalisé avec soin dans le cas de l'assemblage de pylos. Les éléments n'ont pas été jetés, mais au contraire vraiment déposés dans la fosse. Une caractéristique très différente des amas d'ossements que l'on rencontre quasi systématiquement dans des assemblages de consommation quotidienne. Cette différence traduit bien des gestes particuliers, un rituel précis, une volonté de respecter certains codes pour ces scènes de banquet, jusque dans la manière de se débarrasser des ossements. Nous le reverrons avec le point suivant, la taphonomie. Donc des gestes bien différents d'une consommation carnée plus classique. Troisième distinction concernant le contexte des assemblages, sur l'organisation des sites de consommation, les unités d'habitation, je vous le disais, fonctionnent en parallèle, mais il n'y a pas de household, de maisonnée appartenant à une éventuelle élite. Il n'y a pas de hiérarchisation de l'habitat, comme on peut le voir, pour les sites mycéniens. Pour les sites mycéniens et notamment de Macrialos, c'est clairement l'élite qui organise ces banquets, comme à l'assemblage osseux de Pylos qui a été retrouvé dans une zone palatiale. Le second point, le spectre phonique, on va rentrer dans les caractéristiques intrinsèques aux assemblages osseux, donc la composition taxonomique, quelles espèces animales ont été consommées, apparaissent dans ces assemblages. Pour le banquet en haut, on remarque qu'il ne semble pas y avoir d'organisation unique concernant le spectre phonique. Tsungiza présente un spectre phonique relativement large, donc vous l'avez ici, avec en premier lieu le bœuf, suivi du petit bétail domestique, le porc, les caprinets, donc les moutons et les chèvres. Mais vous avez également la présence d'équidés, cheval, âne. Vous avez le chien et vous avez des cervidés, pardon, je crois que c'est le cerf dans le cas de Tsungiza. Pour Macrialos, un spectre phonique un peu plus réduit avec les caprinés, moutons, chèvres, qui sont assez largement même dominateurs dans le spectre phonique, suivi par le porc et le bœuf. Et dans le cas de l'assemblage de Pylos, 95% du nombre de restes et du nombre d'individus est composé par le bœuf, donc une sélection très très précise des espèces consommées. Pour les assemblages des niveaux d'occupation de consommation quotidienne, au contraire, on note un spectre phonique beaucoup plus large, avec une part très importante du petit bétail domestique. Vous l'avez pour Archontico et Angelochorie, ici le porc et les moutons et les chèvres. Ensuite vient le bœuf. Et autre point très intéressant dans la consommation quotidienne que l'on ne retrouve pas, donc on retrouve beaucoup moins dans les assemblages de banquets, la présence des espèces sauvages notamment. Je vous ai fait figurer ici uniquement une figure, mais vous avez dans les espèces de cervidés du cerf, du daim, du chevreuil, du sanglier, du castor, vous avez aussi du loup, vous avez de l'auroch que je n'ai pas fait figurer ici, donc vraiment un spectre phonique beaucoup plus large et des espèces sauvages qui atteignent parfois même dépasse un quart de tous les restes de ces assemblages osseux, pour les assemblages de consommation quotidienne. Donc, chose que l'on ne retrouve absolument pas pour les sites de banquets. Alors concernant cet aspect, les dépôts de Pylos, du palais de Pylos, sont particulièrement intéressants. Ils mettent en évidence une sélection très précise, très nette des espèces consommées, de l'espèce consommée dans le cas présent. Vous verrez dans les diapos suivantes que ce n'est pas le seul point particulier de cet assemblage. Donc cet aspect très réduit du spectre phonique indique que le régime alimentaire carné du banquet ne reflète pas celui de tous les jours. Les espèces sont globalement les mêmes, vous le voyez bien, mais avec un nombre d'espèces différents très restreint et des quantités bien supérieures. Ça, c'est un autre point très intéressant que j'aborderai par la suite. Donc pour résumer, beaucoup de points communs tout de même entre ces pratiques au niveau du spectre phonique, mais tout de même plus réduit dans le cas du banquet, avec parfois quelques assemblages très frappants comme celui de Pylos. En ce qui concerne la taphonomie, je m'attarderai sur trois points, les traces de brûlure, les traces de rognage et les traces de découpe que l'on peut apercevoir sur les surfaces osseuses. Ces trois types de traces, peuvent donner des indications sur les traitements subis par les ossements avant leur enfouissement. Quelles parties ont été découpées, donc consommées, quels ossements ont été laissés volontairement ou involontairement à disposition d'autres espèces animales sur le site? Et le matériel a-t-il été brûlé? A-t-il fait l'objet d'un rituel particulier? Alors, les traces de brûlure, preuve, on en a parlé tout à l'heure pour une communication précédente, les traces de brûlure peuvent correspondre soit à la conséquence d'une destruction de l'habitat par un incendie, mais peuvent aussi correspondre à ce qui nous intéresse plus ici, le passage des ossements au feu en vue d'une consommation. Vous avez un exemple ici où il s'agit d'un talus, donc sur le membre postérieur, où vous avez une partie, seulement la partie distale, qui a été brûlée, probablement parce que l'autre partie conservait encore des traces de nourriture, et donc uniquement la partie distale a été exposée directement au feu. Alors, il est souvent difficile de faire la distinction, donc oui, je disais, entre un incendie d'origine accidentelle et des traces de brûlure d'origine anthropique, donc dues à la consommation de ces éléments. Pour les sites de banquets, Tsungiza présente la moitié, non, un quart, pardon, de ces ossements brûlés. À Pylos, ils ont tous été brûlés. Alors qu'à Makrialos, nous n'avons pas d'informations à ce sujet. Et comme vous pouvez le voir, les taux d'ossements brûlés sont nettement supérieurs dans le cas du banquet par rapport à une consommation quotidienne. Donc vous voyez des pourcentages très très très faibles. Alors ce pourcentage est très intéressant parce qu'il permet de mettre en évidence parfois un rituel particulier dans lequel les ossements jouaient un véritable rôle. C'est le cas par exemple à Pylos, où les ossements ont été mis au feu après la consommation et avant l'enfouissement. Et ça a été interprété par les archéozoologues comme un sacrifice. Pour les traces de rognage, elles n'apportent pas d'informations aussi intéressantes du point de vue de la consommation ou des gestes, des rituels effectués lors du banquet, mais plutôt sur des modalités de rejet des ossements. Là encore, vous le voyez, les assemblages de banquets présentent des taux très supérieurs à ceux de consommation quotidienne. Et le dernier point, les traces de découpe. La présence, mais surtout la disposition des traces de découpe anthropique sur les ossements sont de très bons indicateurs sur les modalités de préparation des carcasses et peuvent également, en association avec les distributions squelettiques, point que j'aborde juste après, mettre en évidence certaines portions qui auraient été exploitées préférentiellement. Alors c'est davantage le nombre d'ossements qui présentent ces stigmates d'une découpe anthropique que la nature des découpes elles-mêmes qui vont nous intéresser ici, puisque peu de différences apparaissent dans les types de découpe entre un banquet et une consommation quotidienne. Une préparation de carcasse est globalement la même. On abat l'animal, on le découpe, que ce soit pour un banquet ou pour une consommation quotidienne. Donc les étapes restent les mêmes. Donc les traces, c'est davantage donc dans la quantité d'ossements qui présentent des traces que les différences vont se faire, surtout pour le site de Pylos et de Makrialos, qui présentent des taux très très élevés. Encore une fois, opposé à la consommation quotidienne qui, elle, présente des taux très faibles. Alors, ce genre de différence, il est difficile d'en tirer des conclusions. C'est toujours difficile aussi parce que la découpe ne laisse pas forcément des traces sur les ossements. Et on a également la présence d'autres facteurs qui peuvent avoir une influence sur ce type de résultats, comme la fragmentation ou la conservation dans le sédiment. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Au niveau des distributions squelettiques, pour les sites de banquets, certaines sélections ont été effectuées. Je vous ai mis ici le bœuf, puisque c'est l'espèce qui apparaît le plus souvent dans les spectres phoniques et pour laquelle les résultats sont les plus frappants. Dans le cas de Tsungiza, seuls les fragments de crâne et d'extrémités apparaissent. Vous l'avez ici. Alors, Dapné et Halsted, pardon, les deux archéozoologues qui ont étudié le matériel, penchent pour la présence d'un sacrifice et que les parties porteuses de chair, donc les côtes, les vertèbres et les membres, parties qui n'apparaissent pas dans ces distributions squelettiques, auraient été prélevées et redistribuées aux participants. Ce serait la raison pour laquelle ils n'apparaissent pas dans ces dépôts. Pour les dépôts de Pylos, ce sont uniquement les fémurs, les humérus et les mandibules qui ont été mis au jour dans ces dépôts. Donc indiquant là encore une sélection très précise des portions anatomiques. Concernant les distributions de Makrialos, elles sont un peu plus variées. Vous avez l'ensemble du membre antérieur, extrémité comprise. Même chose pour le membre postérieur. les fragments de cheville osseuse et les mandibules. Donc, si l'on compare ces résultats aux assemblages de consommation quotidienne que vous avez en dessous, on remarque une distribution beaucoup plus diversifiée, avec une très bonne représentation de l'ensemble des portions anatomiques du squelette. Alors, il y a quelques parties qui n'apparaissent pas, qui sont dues à des problèmes de détermination différentielle ou de conservation différentielle, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, mais vous le voyez, surtout dans le cas d'Angelocori, la présence de l'ensemble des os du squelette. Il y a uniquement les cartilages intercostaux et un ou deux ossements du carpe qui n'apparaissent pas. Donc, une répartition beaucoup plus homogène que pour les sites de Banquet, et qui est même différente entre chaque unité architecturale, ce qui suggère qu'il est, par exemple, qu'il est homogène entre chaque unité d'habitation, qui suggère un fonctionnement en parallèle de ces unités. Il ne semble pas donc y avoir eu de sélection de ces portions par un groupe particulier, ni de redistribution de la viande comme dans le cas de Tsungiza. La consommation se serait donc effectuée à l'échelle de la maisonnée, un aspect bien différent du banquet. En ce qui concerne les quantités de viande, pour les sites de banquet, on retrouve bien cette idée de consommation de grande échelle. On voit ici à Tsungiza, à Pylos, que les archéozoologues estiment les quantités suffisantes dans ces dépôts pour nourrir tous les habitants de la ville. La fosse de Makrialos, donc le rejet de Banquet, d'après Paul Hellsted, présente des quantités extrêmement importantes, même si elles ne correspondent pas probablement à un seul événement unique, hein, comme je vous le disais dans la présentation. Mais quand bien même ce comblement aurait été réalisé en plusieurs mois ou en plusieurs années, les quantités restent très importantes. Il faut garder à l'esprit, vous avez 128 bœufs, pour abattre 128 bœufs en un an, par exemple, sans décimer totalement le troupeau, il faut toujours garder quelques têtes pour pouvoir assurer la pérennité du cheptel. 128 bœufs en un an, c'est énorme. Ça représente des quantités énormes. Et en ce qui concerne le petit bétail, il est un peu plus flexible de ce point de vue, mais vous voyez 238 porcs, 322 caprinés, ce sont des quantités vraiment énormes. Pour les assemblages de consommation quotidienne, les choses sont bien différentes. Les chiffres que vous voyez ici sont les individus de l'ensemble du site, pas uniquement des sélections que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc on voit bien ici, encore une fois, une différence flagrante entre ces deux types de contextes. Alors, il existe d'autres critères sur lesquels je ne m'attarderai pas, d'autres sélections particulières qui apparaissent dans le cas du banquet, comme le sexe de l'animal, par exemple. À Pylos, tous les bovins qui ont été mis au jour correspondent à des mâles, donc des taureaux, des bouvillons. On peut également trouver des différences dans les âges d'abattage, ou parfois même une sélection entre les parties droite et gauche du squelette. Alors je ne vous les ai pas présentées, faute de temps, et aussi parce qu'ils sont tout de même moins nets et moins fréquents que les caractéristiques que je vous ai présentées ici. Alors cette comparaison a mis en évidence l'existence de différences dans les caractéristiques des assemblages osseux de ces deux pratiques alimentaires distinctes. Cependant, des différences qui, dans de nombreux cas, ne sont pas si nettes. Bon, tout d'abord, en ce qui concerne le contexte des dépôts, les sites de banquet montrent une durée d'accumulation très courte, à l'inverse des sites de consommation quotidienne qui présentent des niveaux beaucoup plus stratifiés, sur un temps beaucoup plus long. Ce critère est probablement l'un des plus intéressants et l'un des plus fiables pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il est lié au dernier que vous avez dans le tableau, à savoir les quantités de viande. Et on a vu qu'elles étaient très nettement supérieures à celles d'une consommation quotidienne. Et il apparaît très régulièrement l'aspect de surplus. On en parlait aussi dans la communication précédente. Donc deux points qui rejoignent très bien les définitions du banquet. Les autres critères ont montré, nous l'avons vu, des différences, mais elles sont à prendre avec précaution. Tout d'abord, en ce qui concerne le spectre phonique. Nous avons bien vu que dans une consommation quotidienne, ils étaient beaucoup plus larges, beaucoup plus homogènes que pour les assemblages de banquets. Mais des différences apparaissent même au sein des spectres phoniques des banquets eux-mêmes. Dans le cas de l'assemblage de Makrialos, par exemple, qui de ce point de vue se rapproche plus d'une consommation quotidienne que véritablement d'un banquet. Alors il faut toujours garder à l'esprit que ces spectres phoniques sont dépendants notamment des ressources présentes dans l'environnement. Ils peuvent changer de manière assez importante entre deux sites pour un même type d'événement, ce qui rend ce critère quand même assez délicat. Cependant, dans certains cas, une sélection très précise des espèces peut être un indice très intéressant, donc un critère valable de distinction. Le critère de la taphonomie avait livré des résultats aussi très distincts entre les assemblages de ces deux pratiques alimentaires, avec des taux beaucoup plus élevés dans le cas du banquet. Cependant, ces résultats sont fortement dépendants de nombreux facteurs naturels et ne correspondent pas forcément à des distinctions caractéristiques d'une consommation de groupe comme le banquet. De plus, une découpe de certaines parties des carcasses peut se réaliser sans laisser de traces sur les ossements. Ça peut dépendre de l'outil que vous utilisez, de la méthode de découpe ou même de la personne qui a effectué cette découpe. Donc ces taux très distincts sont là aussi dépendants de nombreux critères et donc à prendre avec beaucoup de précautions. En ce qui concerne les distributions squelettiques, une forte sélection des parties anatomiques qui ressort des assemblages de Pilos et de Tsungiza notamment pourrait être le reflet de l'existence d'échanges entre plusieurs établissements. Un site A élève des animaux, il les abat, il sélectionne certains ossements, enfin, certaines portions anatomiques et fait du commerce avec le site B, par exemple. Donc, sur le site A, vous allez avoir un déficit en ossements d'une certaine portion anatomique, et à l'inverse, sur le site B, vous allez avoir une concentration très nette de ces ossements. Donc, il faut rester prudent aussi en ce qui concerne cet aspect. Malheureusement, les analyses archéozoologiques ne sont pas suffisamment nombreuses pour mettre en évidence ce type d'échange pour ces périodes anciennes où nous n'avons pas de sources textuelles qui attestent ce genre de commerce. Alors, nous l'avons bien vu également, des différences apparaissent dans les assemblages osseux de banquets eux-mêmes, ce qui montre bien la difficulté de caractériser ces événements d'un point de vue matériel. Les espèces animales peuvent être différentes entre deux sites selon les disponibilités des troupeaux. Les sélections peuvent être différentes en raison des goûts particuliers des participants ou même de la nature de l'événement fêté. Bref, une multitude de facteurs qui peuvent être appréhendés, par l'analyse de ces reliefs des repas, mais uniquement dans une certaine mesure. Et je pense, que la difficulté à définir la présence d'un banquet en archéologie, notamment pour ces sociétés très anciennes sans écriture, vient du fait que les variations dans le matériel archéologique, ne sont pas très marquées. Et justement, à la base, parce qu'un banquet et une consommation quotidienne, ce sont la même chose à la base, c'est une consommation carnée. Alors, cette rapide présentation soulève, de nombreuses questions. Est-ce que ces points que nous avons abordés sont véritablement caractéristiques d'un banquet? Est-ce qu'une sélection d'une espèce particulière ou d'une portion anatomique précise d'un animal constitue de réels indicateurs de la présence de cette pratique alimentaire? Probablement pas si on les considère individuellement. Des différences existent dans les assemblages osseux de banquets par rapport à une consommation quotidienne, nous l'avons bien vu, mais il faut garder à l'esprit, et ce sera la conclusion de cette communication, qu'une reconnaissance de ce type de pratique ne peut s'effectuer, nous l'avons déjà dit, que par l'association de divers événements matériels et contextuels, parmi lesquels figurent les ossements d'animaux. Les caractéristiques intrinsèques de ce type d'assemblage sont donc difficiles et probablement même impossibles dans certains cas à mettre en évidence. Il faut rappeler que ces ossements sont la conséquence d'une consommation carnée à la base, qu'elle soit réalisée en groupe ou avec des rituels particuliers. Les ossements ont donc subi un traitement en amont, avant la consommation, qui ne diffère pas tellement des assemblages de consommation quotidienne. Donc, deuxième chose, ces conclusions sont basées sur un nombre assez restreint de sites, dans des contextes parfois assez différents. J'ai essayé de comparer les choses comparables en faisant des sélections précises du matériel, mais il conviendrait quand même d'effectuer ce genre de comparaison sur des zones géographiques plus restreintes ou plus cohérentes, notamment d'un point de vue contextuel. Et enfin, dernier point, je terminerai là-dessus, les restes ichtyologiques et malacologiques mériteraient d'entrer plus systématiquement dans les analyses. Et là, je suis heureux dans la présentation précédente d'avoir pu voir que ce n'était pas toujours le cas, notamment avec l'analyse de Tatiana. Et c'est très intéressant parce que ces espèces ont très certainement aussi été consommées, mais on les retrouve beaucoup moins souvent dans les publications. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Aurélien, d'avoir présenté cette facette-là avec le questionnement sur ces contextes. J'aurais une question tout de suite. C'est qu'en fait, ton analyse, tu ne remets pas en question par ton analyse, finalement, l'interprétation. L'interprétation qui a été faite sur ces grands textes. Non. Et même pas sur celui de Tungsi. Tungiza. Oui. Non, j'ai préféré justement essayer de faire quelque chose de méthodologique et de partir du postulat que les interprétations étaient un banquet pour Pylos, pour Makrialos et pour Tungiza, et voir ensuite si des différences apparaissaient. Donc oui, le fait que l'assemblage de Makrialos notamment soit un petit peu différent des autres pourrait être dû au fait que l'interprétation pourrait être différente, mais je ne vais pas, comme je ne connais pas vraiment dans le détail ces assemblages osseux, je ne vais pas remettre en question ces assemblages. La tête des bovins et les extrémités des membres. À Tsungiza, oui. D'ailleurs, je ne me rends pas bien compte, dans un contexte d'habitat, oui. Il n'y a pas de bâtiment particulier. Non, il n'y a pas de bâtiment monumental à proximité. Il y a beaucoup d'animaux, hein, c'est ce que dit l'archéologue. Alors là, ce sont des distributions squelettiques du bœuf. Pour le petit bétail, les choses sont un peu plus un peu différentes. Mais dans le cas du bœuf, oui, il y a une sélection très précise qui pourrait être l'attestation de l'existence d'échanges entre ce site et d'autres. C'est pour ça aussi que j'ai parlé de la sphère d'influence de Mycène. C'était un petit établissement qui est vraiment à proximité de Mycène. Ce n'est pas forcément un échange très loin. Je me souviens plus, c'est un contexte fausse. Fausse ? Non. Non, ce sont des couches. Voilà. Oui, ça peut être que l'abattage des bovins a eu lieu à un coin du site et la consommation un peu partout. Et l'archéozoologue interprète ça comme un banquet. Donc c'est pour ça que je l'ai classé dans cette catégorie. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? La variété du spectre phonique. Si j'ai bien compris, tu disais que il était plus restreint dans les contextes de banquet que dans les contextes de consommation quotidienne. Oui. Ce qui m'a un peu étonné par rapport à ce que l'on avait par exemple, si on avait l'impression qu'il y avait des choses qui nous rappellent des exotiques, peut-être. Probablement, mais uniquement sur sur tous ces sites, il n'y a pas eu d'analyse, non, si à part sur Archontico, mais d'analyse de l'ichtyofaune ou de la malacophone. Et mais c'est un aspect qui ressort très nettement quand même, une sélection des espèces dans le cas du banquet. Alors les spectres phoniques sont très nettement restreint par rapport à une consommation quotidienne. Et c'est vrai que dans le cas de la fosse Cybèle, les choses sont vraiment différentes. Ça dépend des contextes, comme je le disais dans la synthèse, ça peut dépendre de l'événement fêté, ça peut dépendre de beaucoup de choses, même de la disponibilité des animaux présents dans l'environnement du site. Donc je pense qu'il y a beaucoup, c'est pour ça que je le classe aussi dans un critère pour lequel il faut faire attention, s'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pour ce critère-là. Donc voilà, je n'ai pas de réponse nette à apporter. Je me demande s'il ne faut pas, je me demande s'il faut pas penser à cette époque-là, on est donc bronze récent, pour la plupart des sites. S'il ne faut pas voir que ce sont quand même des sociétés qui vivent énormément sur l'élevage, avec d'une manière très anecdotique de la chasse. Et toute la question, c'est un peu aussi qui chasse finalement. Hein, c'est-à-dire que c'est quand on trouve, me semble-t-il, des espèces sauvages dans ces sites-là, ça peut être un peu le hasard, ça peut être, je ne connais pas ces contextes-là, ça peut être aussi par rapport à des animaux nuisibles, ça peut être des recherches d'éléments bien particuliers qui sont des types de fourrures, hein, comme plutôt carnivores, ou des boîtes de cervidés, enfin des choses comme ça. C'est donc des pratiques qui sont des pratiques un petit peu opportunistes. Je suppose que lorsqu'il y a banquet, on va dans cette, dans la, au moment de l'abattage d'un grand nombre d'animaux pour alimenter une fête avec beaucoup de gens, c'est vrai qu'on cible peut-être plutôt des domestiques. Ça serait l'explication, entre guillemets, ou en tout cas une interprétation d'un spectre phonique qui paraît, si on pense aux trois contextes considérés comme banqués par l'ensemble des éléments archéologiques, ça pourrait être une des explications qui de ce spectre phonique réduit, puisqu'il n'y a pas tant d'espèces que ça. Donc, ce sont surtout des espèces domestiques. Et ça dépend vraiment des sites, puisqu'à l'âge du bronze, au bronze récent, en Grèce septentrionale, donc là d'où proviennent les deux sites Archontico et Mdélochori, le spectre phonique est très large, notamment pour les espèces sauvages, et elles sont assez importantes. Un quart, voire même dans certains cas, à Mégalonis et Galanis, un tiers du nombre de restes et du nombre d'individus sont des espèces sauvages. Donc, je ne pense pas qu'il y ait... La chasse est vraiment très importante, oui, dans les approvisionnements carniers des sites, oui. Une chose que je n'ai pas bien comprise à propos des traces de découpe, est-ce que c'est juste un constat qu'il y en a plus dans les contextes considérés comme des contextes de banquet ou il y a une explication? Non, ce serait vraiment uniquement un constat. Je le disais, les... Je n'ai pas de réponse à cette question. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu. Donc, comme je vous disais, au final... Une consommation de banquet ou une consommation carnée, une quotidienne, on abat les animaux et on les découpe, on prépare la viande de la même manière. Il n'y a pas 36 façons de préparer. Oui. Effectivement, c'était des outils. Peut-être des rituels, on parlait de codes à respecter pour la préparation de certaines pièces. Ça pourrait être une des explications. Oui. Oui, de toute façon, on peut faire des découpes sans laisser de traces sur les ossements. Donc, c'est là où ce critère est très délicat. Ouais. C'est vrai que dans un contexte qui n'est pas encore totalement interprété en Syrie, il se trouve qu'il pourrait donc une grande quantité d'animaux, un remplissage rapide, des ossements brûlés, et justement, ce qui est très particulier, c'est qu'il y a beaucoup plus de traces de découpe sur les ossements que dans les contextes plus d'habitats qui sont différents par des différences d'accumulation, en fait, de taille, de l'accumulation dans une zone précise où il y a beaucoup plus d'ossements, comme ce contexte auquel je pense en Syrie et qui date du bronze récent, et où j'ai remarqué qu'il y avait des traces de découpe bien plus importantes, et surtout plus de traces de découpe sur un sol. C'est-à-dire, ça fait soit précipité, soit ça fait des gens qui ne savent pas bien découper, qui hachent un peu. Enfin, c'est quand même très curieux quand on n'a pas l'habitude de voir autant de traces sur une articulation, en somme toute, assez connu par n'importe quel boucher, qui va être l'articulation de l'humérus, enfin du coude, et que brusquement sur un os qu'on voit passer sans arrêt en tant qu'archéologue parce qu'il se conserve particulièrement bien, parce qu'il est fifisé à un très jeune âge, et cette vasissale de l'humérus, et que brusquement, dans ce type de contexte, il y a des tas de traces de découpe sur cet os-là qui ne sont pas aussi fréquente sur d'autres contextes. Bon, une petite question encore. Juste une question à propos du traitement des ossements après consommation. Ils auraient été brûlés après la consommation. Oui, C'est l'interprétation des archéozoologues. Les ossements, donc la chair aurait été retirée de ces ossements et ensuite les ossements déposés dans le feu et ensuite déposés dans les fosses. Donc c'est vraiment une étape à part entière. Pour un rituel ou pour un... Ils interprètent ça comme un rituel. Ça pourrait également être une utilisation comme combustible, mais en l'occurrence, dans l'interprétation, pour eux, c'est un rituel, c'est un sacrifice aux dieux. On redonne vraiment les os comme aux chiens, alors là, c'est pas comme dans les périodes historiques où on découpe d'abord l'os, on extrait d'abord l'os que l'on va donner à la divinité. Là, on a vraiment l'impression qu'on donne ce qu'on donne aux chiens. Oui, parce qu'a priori, c'est n'importe quelle partie anatomique, c'est-à-dire, c'est pas comme le sacrifice grec où c'est le fémur, la queue, c'est vraiment. Je suppose, là aussi, un peu n'importe quoi qui est brûlé. À part dans le cas de Pylos, oui. Où c'est mandibule, fémur et humérus uniquement. Mais c'était un petit peu aussi l'objectif de la présentation, c'est de vous montrer que les contextes sont très différents, les caractéristiques également très différentes, et que le banquet ne peut pas se résumer à quelque chose d'un point de vue ostéologique en tout cas, et qu'à partir du matériel ostéologique uniquement, il est impossible de mettre en évidence un banquet. Et voilà, c'était un petit peu sur cela que je voulais insister. Merci beaucoup. Je pense que c'est à partir du temps matériel.